Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous, bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 27 mars 2017. Et voici tout de suite les grands titres. Une personne a été tuée la nuit de ce dimanche à lundi à Gihanga et un militaire a été blessé sur la colline Igakoima dans des affrontements entre voleurs de vaches et forces de l'ordre. Nous appellerons notre correspondant dès le début de ce journal. Et le député Terence Mani Rambona, élu dans la circonscription de Gitega dans la coalition Amizero Yabarundi, s'insurge contre l'arrestation d'une dizaine de ses sympathisants la semaine dernière en commune Nyarusange dans la province de Gitega, alors qu'une dizaine d'autres partisans de Rwasa Agathon sont en détention à Ngozi et à Ruyigi. Vous l'entendrez. Le ministre burundais des Finances rassure que le secteur minier devra générer des richesses dans l'avenir, pour plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Mais pour les députés, ce secteur profite plus à des individus qu'au pays. Le débat sur ce sujet a eu lieu vendredi à l'Assemblée nationale. C'est un reportage de Léonce Vitalio dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir, 8 élèves blessés, toiture de 39 maisons d'habitation emportées par le vent, de même que la station Iteva, dite chez Tite, ainsi que 4 salles de classe de l'école fondamentale Iteva 2. Voilà le bilan des dégâts occasionnés par une pluie torrentielle mêlée de vent, tombée l'avant-midi de ce lundi dans la ville de Rumonge. Céleste Nitanga, administrateur de Rumonge, confirme ce bilan en indiquant que seul un élève grièvement blessé reçoit toujours des soins à l'hôpital. Il ajoute qu'il a déjà demandé l'aide en tôle pour assister les victimes de ces intempéries. Jusque vers 16h de ce lundi, l'électricité n'avait pas encore été rétablie dans cette ville, la régie des eaux étant occupée à réparer les branchements privés endommagés dans ces circonstances. Une personne a été tuée au cours de cette nuit, de dimanche en lundi, au village 3 de la commune Gihanga. Dans la même commune, sur la colline Igakoima, des tirs nourris ont été entendus. On parle des affrontements entre des voleurs de vaches et les forces de l'ordre. Un militaire a été blessé. Et en commune Manda, un certain Karenzo Nicodème a été grièvement blessé par balle tirée par des gens non identifiés. Les précisions de Space Caritas Kavanyana. Un veilleur d'Inode Niongabo innocent, connu dans le quartier sous le sobriquet de Manso, a été tué au cours de cette nuit au village 3 de la commune Gihanga par des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés, qui l'auraient frappé au niveau de la tête. Les habitants du village 3 ont trouvé le corps sans vie à la 7e avenue, tout près d'une boutique où la victime était veilleur de nuit. Dans la même commune de Gihanga, des tirs intermittents ont été entendus au cours de cette nuit sur la colline Kagwema, des tirs qui ont provoqué une peur panique chez les habitants de la localité. Selon les témoins sur place à Kagwema, il s'agissait des voleurs qui emportaient plus de 50 vaches et les bergers qu'ils ont d'abord ligotés. Mais l'un des bergers a pu échapper. Il s'est évadé dans la réserve naturelle de la Rukoko. Arrivé sur une position des militaires, il a raconté les faits et ces militaires sont vite intervenus. Ils ont échangé des tirs avec les ravisseurs qui ont fini par abandonner le butin et ont fui vers la réserve naturelle de la Rukoko en direction de la République démocratique du Congo. Toutes les vaches qui avaient été emportées ont été récupérées par les militaires ainsi que les bergers. L'un des militaires a été grièvement blessé selon les mêmes sources. De l'autre côté, en commune Manda, un certain Karenzo Nicodème a été grièvement blessé par balle au cours de cette même nuit, de dimanche à lundi, par des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés, qui l'ont trouvé à son domicile à Mugaruro. On soupçonne les conflits fonciers et un suspect du nom de Sinzotu Magus a été arrêté par la police pour enquête. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Space Caritas Kabanyana. Et la cour d'appel d'Ngozi a décidé ce lundi le maintien en détention de 8 partisans d'Agathon Rwasa arrêtés le 26 février cette année. Ces 7 employés et un employé de l'hôpital de Kirimba ont été arrêtés par l'administrateur de la commune dans un bistrot dit le Destin du chef-lieu de cette province, les accusant d'obtenir une réunion illégale, ce qui est contesté par ces derniers, précisant qu'ils partageaient un verre comme les autres. Et 5 partisans d'Agathon Rwasa toujours ont été arrêtés ce dimanche dans 3 ménages sur la colline Gisuru de la province Ruyigi. Ils sont détenus au cachot de la police à Gisuru. Des sources sur place indiquent qu'ils auraient été arrêtés par les jeunes du parti au pouvoir qui ont par la suite appelé la police. Le commissaire provincial de la police confirme cette arrestation mais indique qu'il ignore encore les mobiles. Des sources sur place indiquent également qu'il serait accusé d'avoir voulu tenir une réunion des partisans pro-Agathon Rwasa. Isanganiro, la radio de l'avenir. Terence Manirambona, député élu dans la circonscription d'Ogitega au sein de la coalition Amizero ya Barundi, est contre les arrestations intempestives des membres de cette coalition. C'est après l'arrestation de 12 personnes accusées d'avoir tué une personne la semaine dernière dans la commune de Nyarusange. Ce député ajoute que l'arrestation des membres d'Amizero ya Barundi dans cette commune relève de mobiles politiques. Dans la commune de Nyarusange, aujourd'hui, à partir de... Le jeudi de la semaine dernière, des gens ont été arrêtés. Aujourd'hui, on arrive à 12 personnes, parmi lesquelles il y a 8 membres de notre coalition. Il y a le représentant de notre coalition dans cette commune, il y a d'autres membres qui figurent dans les organes de notre organisation. Alors il me semble alors qu'il y a des mobiles politiques parce qu'on dit qu'on doit les emprisonner, on doit les obliger à adhérer au parti au pouvoir. Alors ce cela montre que ce sont des stations qui ont des caractères, qui ont un caractère politique. Jusqu'aujourd'hui, il semble qu'il y a une, je dirais, une chasse à l'homme. Parce qu'il y a plus de 5 mois et que des membres ont été arrêtés. On les accusait à l'époque qu'ils étaient des fauteurs de troubles, mais sans aucune preuve tangible. Aujourd'hui, ces deux personnes, Edouard Ngambimana et Adislas Saoukigoula, troupissent dans les geôles de Gitega. Il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de preuves qui montrent qu'ils étaient en train de préparer de tels plans. Aujourd'hui, alors, il n'y a pas des gens qui viennent leur impacter les préparations. Alors, je demande alors que ces gens ne soient pas arrêtés pour des métiers politiques. Ce député élu dans la circonscription de Gitega demande à la justice de ne pas tomber dans les pièges des politiques et de travailler en toute indépendance. Le député Terence Manirambona dit lui aussi être poursuivi pour tenue de réunions non autorisées. Il demande la cessation de cette chasse aux personnes qui ne sont pas membres du parti au pouvoir. Moi, je demande d'abord à la justice d'être impartiale. S'il y a des enquêtes à faire et que vraiment la justice ne tombe pas dans les griffes de l'exécutif ou d'autres pouvoirs à côté, et qu'il y ait une enquête qui est neutre. Par exemple, ce qui s'est passé à Nyarusange, il y a des gens, des personnes qui habitent tout autour là où un crime, un meurtre a été commis. Mais ces gens-là n'ont pas été arrêtés. Et on a arrêté des gens qui habitent à plus de 500 mètres, ou même un kilomètre, les accusant d'être des instigateurs de ce meurtre. Aussi, dans leur interrogatoire, on leur demande qu'ils tiennent toujours des réunions clandestines. On leur dit aussi que ces gens-là doivent se soumettre obligatoirement au parti au pouvoir. Tout cela, alors, c'est une inquiétude qu'il faut alors lever, surtout pour l'administration. Alors, pour la justice, vraiment, ce que je demande seulement, c'est d'être neutre et impartial dans la conduite de leurs enquêtes. C'était le député Terence Manirambona, élu dans la circonscription de Gitega. Dans la suite de ce journal, les relations entre le Burundi et le Rwanda est l'une des questions sur lesquelles la conférence internationale sur la région des Grands Lacs ainsi que la communauté est-africaine comptent se pencher. Le secrétaire exécutif de l'EAC, Libera Mfumukeko, l'a annoncé ce lundi lors de l'ouverture d'une réunion de deux communautés. Il a en outre indiqué que la situation humanitaire au Soudan du Sud sera touchée. Les détails avec Charles Makote. Renforcer la capacité de prévention de conflits, la question relative aux réfugiés, la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, la lutte contre l'exploitation irrégulière des ressources naturelles, la promotion du secteur privé, la lutte contre les violences faites aux femmes et l'exploitation sexuelle sont là quelques points qui retiendront l'attention des participants dans cette réunion. Selon Libera Mfumukeko, secrétaire général de la communauté est-africaine, il sera également question de faire une coordination des activités avec un accent particulier sur la paix et la sécurité. Nous venons voir comment nous coordonner sur certaines activités qui sont menées dans les deux organisations. Plus particulièrement, celles relatives à la paix et sécurité, aux affaires politiques. Sur la question relative à la paix et sécurité, si vous voulez, c'est un mandat que nous avons sur toute la région. Pour ce qui concerne l'EAC, c'est un mandat que nous avons sur tous les pays de l'EAC. Ce n'est pas particulièrement le Burundi et le Rwanda. Cela étant dit, périodiquement, on a plus d'activités dans un pays ou un autre. Il s'avère qu'en ce moment, nous travaillons beaucoup sur le Burundi, nous travaillons sur la République du Sud-Soudan, mais aussi nous préparons aussi des missions d'observation des élections dans certains pays comme le le Kenya qui vont tenir leurs élections. Il a indiqué que cette réunion se tient dans des circonstances particulières au sein de la communauté est-africaine, car il est question de faire une synergie pour trouver la solution à l'impasse politique au Burundi et répondre à la détérioration de la situation humanitaire au Sud-Soudan. Quant au secrétaire général de la CIGR, les 2 jours d'échange permettront de transformer le mémorandum d'entente signé en 2010 en activité. Il sera, selon lui, une opportunité d'échange d'expérience. Vous saurez que sur 12 pays de la CIRGR, 6 d'entre eux sont membres de la communauté est-africaine. Charles Makoto, le secrétaire de la Commission Vérité et Réconciliation Sévère, invite les Burundais vivant à l'étranger pour diverses raisons à faire leur déposition en ligne. En attendant une probable visite des commissaires de la Sévère dans les pays de la région hébergeant beaucoup de Burundais et réfugiés. Et suivez Clotilde Niragira au micro de Dieudonné Nzeyimana, c'est notre correspondant Mouinga. Nous avons pensé justement à nos frères et sœurs qui ne se trouvent pas au Burundi, qui sont à l'étranger, soit qui sont exilés ou alors qui sont à l'étranger pour l'une ou l'autre raison, d'ordre professionnel. Et nous avons pensé justement à leur faciliter la tâche. C'est pour cela que nous avons créé un site web de la Commission Vérité et Réconciliation. C'est le www.severburundi.bi ou Twitter, Sévère Burundi, Facebook, Sévère Burundi. C'est pour que le travail de recueil de déposition soit facilité et pour nous comme la commission et pour les victimes qui auront à vouloir faire leur déposition à la commission Vérité et Réconciliation ou alors les témoins qui auront à témoigner de ce qu'ils ont vu. Mais à côté de cela, nous avons commencé d'ailleurs à visiter les pays qui hébergent nos frères et sœurs qui se trouvent à l'étranger comme la Belgique, la France, l'Italie et la Suisse et nous comptons nous rendre, si les moyens le permettent, bien sûr, dans d'autres pays voisins comme la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, le Congo, le Rwanda et d'autres pays encore dans lesquels se trouvent nos frères et sœurs. Pour essayer d'expliquer, pour essayer de conscientiser, pour essayer d'échanger avec eux, pour avoir aussi des contributions de leur part, pour que le travail de la Commission de vérité et réconciliation soit fait en concertation, en consultation avec tout le peuple burundais. Clotilde Niragira, c'est la secrétaire de la Commission Vérité et Réconciliation. Le ministre burundais des Finances tranquillise que le secteur minier doit être un générateur de richesses pour le pays plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Lors d'une séance de questions orales à l'Assemblée nationale vendredi de la semaine dernière, Domitien Diokougaïo répondait aux inquiétudes des députés selon lesquelles ce secteur est ébaillé de fraude et n'est bénéfique qu'à des individus alors qu'il devrait l'être pour tout le pays. Léonce Vitaliou. Le secteur minier peut contribuer dans la richesse du pays, mais ce n'est pas le cas, selon le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa. C'est un secteur qui devrait beaucoup contribuer pour la richesse de l'État, mais malheureusement, il est émaillé de beaucoup de fraudes. Le gouvernement devrait en tout cas penser à sa gestion et faire en sorte que même un seul gramme de minerai puisse contribuer pour la richesse nationale. Le numéro 2 de la chambre basse du Parlement burundais donne l'exemple d'une commune qu'il ne cite pas nommément, où des individus opérant dans le secteur minier se font des richesses sans qu'il en soit ainsi pour les caisses de la commune. Les minerais procurent de l'argent, on n'en doute pas. Imaginez dans une commune où des individus opérant dans le secteur s'achètent plus de 20 ou 30 véhicules en l'espace de 3 ans. Mais comment se fait-il que des individus s'enrichissent alors que les caisses de la commune sont presque vides? Le ministre Domitien Diokougaïo, en charge des finances publiques, ne nie pas qu'il y ait des mines qui passent dans la clandestinité, mais tranquillise qu'avec l'avènement de l'Office burundais des mines et carrières, les choses sont en train de changer. Après la mise en place de l'OBM, nos minerais qui étaient exportés dans la clandestinité sont de plus en plus saisis. Ceux qui sont déclarés officiellement vont augmentant. Si on pouvait garder cette allure, je ne doute pas que les choses vont changer pour que le secteur minier soit bénéfique pour le pays. Le ministre Diokougaïo a affirmé que le Burundi regorge des minerais qui pourraient beaucoup aider dans la richesse nationale. Il déclare également que le gouvernement fera tout pour que le secteur minier soit bénéfique pour toute la population. Merci Léon. Certains députés doutent si les dénonciateurs de fausses déclarations ou fraudes à la douane reçoivent le 1/10 de la valeur qui entre éventuellement dans le trésor public postérieurement à ces déclarations. Il s'appuie sur les lamentations de ceux qui ont déjà vécu cette situation. Le ministre de la Bonne Gouvernance dit que ça devrait être leur droit. Celui des Finances précise que cela doit être minutieusement suivi pour éviter de fausses dénonciations. C'était lors de la présentation ce vendredi à l'Assemblée nationale du rapport de la commission permanente chargée de la bonne gouvernance après sa descente à l'intérieur du pays. Le point avec Alain Désiré Oukayenez. Ces inquiétudes concernant les fraudes ont notamment été soulevées par Gaudence Nirandekura. Il évoque le cas des dénonciateurs qui se lamentent pour n'avoir pas reçu les primes conséquentes à leur dénonciation. Il appelle le gouvernement de s'approcher de ces individus pour le bien-être du trésor public. Lorsqu'ils constatent une fraude, une fois arrivés au ministère en charge pour dénonciation, d'autres personnes s'en approprient à ce niveau. Ils disent n'avoir pas accès aux primes pour avoir fait la dénonciation. Ils ne savent même pas si la dénonciation aurait au moins généré des frais au trésor public. Le mieux serait de s'approcher de ces dénonciateurs puisque cela constituerait une occasion d'alimenter la caisse du trésor public. Le ministère de la Bonne Gouvernance fait savoir que le dixième est le droit de ces dénonciateurs. Certes, Serge Ndahiragije précise que la dénonciation doit avoir été constatée conforme à la loi. Le député Jérôme Bikorimana, quant à lui, illustre le cas d'une vente opérée entre Saga Plage et la société Global. Il dit que les dénonciateurs qui a eu lieu dans ce dossier n'ont rien reçu alors que le trésor public devrait encaisser près de 800 millions. J'ai rencontré un citoyen qui se lamentait qu'il n'a pas été payé par l'OBR postérieurement à sa dénonciation d'une fraude qui devrait générer près de 800 millions au trésor public. Il m'a parlé à propos d'un dossier, d'une vente qui s'est effectuée entre Saga Plage et la société Globo. Il m'a indiqué qu'il y aurait une fraude au niveau du service de titres fonciers sur ce dossier. Le ministre des Finances dit que ce dossier est connu au niveau de l'OBR. Domitien Diokubgayo précise que l'office doit faire preuve de sagesse dans ce dossier, puisque pour lui, les prétendants dénonciateurs à ce sujet sont nombreux. Ce que vous dites est vrai. J'ai connu le cas lorsque j'étais à l'OBR. Mais le problème est que les prétendants dénonciateurs sont nombreux. C'est pour cela que l'OBR doit user de sagesse pour ce dossier afin de ne pas engager de fonds pour une dénonciation qui n'en vaut pas la peine. L'OBR n'a pas encore terminé le recouvrement de ses frais. Le vrai dénonciateur aura bel et bien son droit aux primes. Au cas où le député Angreiber Ngendabanga relève le cas des citoyens de la ville de Changuzo qui ont payé en 1983 pour la viabilisation de leur parcelle qui n'a pas encore eu lieu, le ministre de la Bonne Gouvernance le tranquillise qu'il compte suivre de près cette question. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Et pour terminer ce journal, les victimes des pluies torrentielles qui se sont abattues sur certains quartiers de la zone Ewuterere, actuellement installées dans les salles de classe de l'Ecofo Ewuterere, doivent déménager ce lundi avant la tombée de la nuit. Cette décision a été prise par le chef de la zone Ewuterere. Cette population se dit indignée et demande que leurs problèmes soient minutieusement étudiés. Suivez certains d'entre eux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro. On a des problèmes avec le chef de zone qui nous exige de quitter ici alors que nous n'avons nulle part à aller. Nous demandons des aides de nourriture, des vêtements ainsi que là où on peut dormir. Nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser. Nous sommes venus pour des raisons d'inondation. Et nous ne pouvons pas retourner car les terres sont couvertes de l'eau et certaines maisons sont détruites. Ils disent que nous pouvons y retourner et installer des tentes. Ce qu'ils doivent comprendre est que parmi les victimes, on compte les locataires et leurs bailleurs. Or, les propriétaires des parcelles n'acceptent pas que nous y mettons des tentes. C'est le chef de zone lui-même qui nous a installés ici. Et c'est lui qui vient nous chasser. Nos enfants souffrent de diarrhée. igisubiyeho nacyo abana barimo bafatwa na DR. Le plus grand problème est qu'on a déjà fermé Dolo et les salles qui nous abritaient. Voilà, c'était certains habitants de la zone Wouterere qui étaient installés dans les salles de classe de l'école fondamentale de Wouterere. Mais vous venez de l'entendre, même ces classes ont été fermées. Le chef de zone Wouterere, Nertendo Imana, parle de prétexte car selon lui, même les locataires ont des contrats qui les lient à leur bailleur. Jusqu'aujourd'hui, l'installation de toutes ces familles dans leur parcelle ne devrait donc pas poser aucun problème, nous a expliqué cet administratif. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaïo pour la mise en onde. Nous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Jean Bosco, Douimane.